Chapitre 10e. En 1900, le vieux Meldrum, qui avait succédé à Weatherby comme directeur et avait rempli cette fonction pendant 30 ans, mourut brusquement d'une pneumonie, et pour faire l'intérim jusqu'à la nomination d'un successeur, ce fut Chips qui fut directeur provisoire de Brookfield. À peine y avait-il une légère chance que le conseil d'administration le maintînt définitivement à ce poste, mais Chips n'éprouva pas de désappointement véritable quand il présenta un simple jouvenceau de 37 ans, muni de titres éblouissants et doué de ce genre de caractère qui permettait d'imposer silence au grand hall rien qu'en haussant un sourcil. Chips n'était pas fait pour s'entendre avec ce genre de personnage. Il ne l'avait jamais été et ne le serait jamais, il le savait. Il était en somme un animal plus doux, moins féroce. Ces années qui précédèrent sa retraite en 1913 furent émaillées de scènes qui lui laissèrent des souvenirs marquants. Un matin de mai, sonnerait la cloche à une heure inaccoutumée, tout le monde convoqué à se réunir dans le grand hall. Le nouveau directeur, Alston, très pontifiant et plein de lui-même, regarde fixement la multitude avec une sévérité froide qui en dit long à l'avance. « Vous serez tous profondément affligés d'apprendre que Sa Majesté le roi Édouard VII est mort ce matin. Il n'y aura pas de classe cet après-midi, mais un service sera célébré à la chapelle à 4h30. » Une matinée d'été sur la voie du chemin de fer près de Brookfield. Les cheminots étaient en grève, c'étaient des soldats qui conduisaient les machines. On avait lancé des pierres contre les trains. Des élèves de Brookfield faisaient des patrouilles sur la ligne et trouvaient toute cette histoire très amusante. Chips, qui les surveillait, se tenait à petite distance de là et causait avec un homme à la grille d'un cottage. Le jeune Crickdale s'approcha. « Pardon, monsieur, que devons-nous faire si nous rencontrons des grévistes ? Aimeriez-vous en voir un ? Je ne sais pas, monsieur. Dieu bénisse ce garçon. » Il parlait d'eux comme s'ils eussent été de bizarres animaux dans un jardin zoologique. « Eh bien alors, voici une bonne occasion. Vous pouvez faire la connaissance de M. Jones, c'est un gréviste. Lorsqu'il est de service, il est chargé du poste des signaux à la gare. Vous lui avez plus d'une fois confié votre existence. » Dans la suite, l'anecdote fit le tour de l'école. Chips avait parlé à un gréviste. Parler à un gréviste! On les aurait pris pour les meilleurs amis du monde à voir la façon dont ils causaient ensemble. Chips, en évoquant bien des fois cet incident, se disait toujours pour finir que Cathy l'aurait approuvé et que de plus elle l'aurait amusé. C'est que, quoi qu'il advînt, quels que fussent les détours et les croisements des chemins de la politique, il avait foi en l'Angleterre, foi dans la chair et le sang anglais, et dans Brookfield comme en un établissement dont la valeur dépendait en définitive de la façon dont il s'harmoniserait dignement et sans disproportion avec le décor de l'Angleterre. Il lui était resté une vision, devenant plus nette tous les ans, celle d'une Angleterre pour laquelle les jours faciles étaient presque finis, celle d'une nation naviguant dans des détroits où une erreur de la grosseur d'un cheveu pouvait amener une catastrophe. Il se rappelait le jubilé de diamants de la reine Victoria. On avait donné une journée de congé à Brookfield et il avait emmené Cathy voir le cortège à Londres. Et ensuite, cette frénétique dizaine d'années du règne d'Édouard VII, semblable à une lampe électrique qui devient plus brillante et plus blanche juste avant de s'éteindre complètement. Grève et lock-out, soupers au champagne et défilés de chômeurs, main-d'œuvre chinoise, réforme des tarifs douaniers, le cuirassé Dreadnought, Marconi, le Home Rule, l'autonomie politique pour l'Irlande, le docteur Grippen, les suffragettes, les lignes Chattanooga. En avril, une fin d'après-midi avec pluie et vent, la classe de quatrième expliquant mot à mot du Virgile et ne comprenant pas très bien, car les journaux donnaient des nouvelles alarmantes. Le jeune Grayson en particulier était inattentif, paraissait préoccupé. Un garçon tranquille et pourtant nerveux. Grayson, vous resterez après tout le monde. Et alors, Grayson, je ne veux pas me montrer sévère parce qu'en général vous êtes un assez bon élève. Quant au travail, mais aujourd'hui, vous ne paraissez pas avoir fait le moindre effort. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Non, monsieur. Eh bien, nous n'en parlerons plus. Mais je compte que ça ira mieux la prochaine fois. » Le lendemain matin, le bruit courait dans l'école, que le père de Grayson était à bord du Titanic et qu'on n'avait encore aucune nouvelle sur son sort. Grayson fut dispensé de travail. Pendant toute une journée, l'école entière ne fut occupée que de son anxiété. Enfin, on apprit que son père était au nombre des rescapés. Chips serra la main au jeune garçon Eh bien, je suis très content, Grayson. Tout est bien qui... Vous devez trouver que la vie est belle. Oui, oui, monsieur. Un garçon tranquille mais énergique. Et c'est à Grayson père et non au fils que Chips devait avoir plus tard à faire des condoléances.